des regards. Elle était de ces anges que l'on croise au matin, à demi dévêtue pour de thunes ou pour rien. Et toi tu plonges dans ta musique des notes qui sonnent des mots magiques. Et toi tu caches dans tes yeux noirs beaucoup de peine, un peu d'espoir. C'est Julie la paumée dans les rues de Toulon, Chicago dans ta ville, Chicago dans ton cœur. C'est la danse qui cogne sur les rayons laser. Au rock'n'roll circus, on se passe de douceur. Et toi, tu plonges dans ta musique des notes qui sonnent des mots magiques. Et toi, tu caches dans tes yeux noirs beaucoup de peine, un peu d'espoir. Elle avait la couleur d'une Julie des tropiques. Elle avait dans les cheveux une odeur d'outre-mer. Tout son corps tremblait à la moindre musique. On voyageait un peu du côté de l'Afrique. Et toi tu plonges dans ta musique des notes qui sonnent des mots magiques. Et toi tu caches dans tes yeux noirs beaucoup de peine, un peu d'espoir. Elle est morte un matin à l'aube de ses 20 piges. Apaisée sans capote, on existe sans gloire. Le sida l'a fauché comme on fauche les blés. Elle est morte en rêvant d'une autre destinée. Et toi tu plantes dans ta musique des notes qui sonnent des mots magiques. Et toi tu caches dans tes yeux noirs beaucoup de peine, un peu d'espoir. Elle était de ces femmes qu'on rencontre le soir, à l'envers de la nuit, à l'abri des regards. Elle était de ces anges que l'on croise au matin, à demi dévêtue pour de thunes ou pour rien. Et toi tu plonges dans ta musique des notes qui sonnent des mots magiques. Et toi tu caches dans tes yeux noirs beaucoup de peine, un peu d'espoir. Et toi tu plonges dans ta musique des notes qui sonnent des mots magiques. Et toi tu caches dans tes yeux noirs beaucoup de peine, un peu d'espoir. Beaucoup de peine, un peu d'espoir. Beaucoup de peine, un peu d'espoir.